sujets en or. Marguerite de Rompépelle, agita et boule Chanel. Agita et boule Chanel. Agita et boule Chanel. Agita et boule Chanel. Agita et boule Chanel. Nu voam, nu ce ne spune.